maman pas salut. La mort t'a pas de pitié. Tala le longa ise moko, se mawa o. Batika batika ngana le la papa, se mawa o, se mawa o. Batika batika ngana le la papa, se mawa o, se mawa o. Na ye bakite soki o maso bako kende, se mawa o, se mawa. Papa, pas salut. La mort n'a pas de pitié.